Alors, la première saison de la première année de notre séminaire qui s'appelle Entre les murs, hors les murs, revisiter l'histoire des institutions disciplinaires, on l'avait consacrée aux mobilités humaines entre les institutions. Et je reviendrai sur quelques résultats, mais peut-être qu'il faut dire d'emblée que ce séminaire, il s'articule aussi avec un groupe sur les institutions disciplinaires qui réfléchit aux punitions de l'ordinaire dans les institutions disciplinaires avec des gens qui travaillent sur les prisons, les écoles, les couvents, les hospices, les asiles, les hôpitaux, etc. Ce groupe de recherche et ce séminaire, il répondait l'an dernier, et il continue de répondre, à une attente humaine et intellectuelle, celle de nous donner la possibilité d'abord de rencontrer d'autres chercheurs dans les institutions disciplinaires, d'autres disciplines aussi, alors c'est essentiellement des sociologues, mais qui sont venus, de croiser des bibliographies. À la fin de chaque séance, il y a une bibliographie qui est constituée, qu'on met sur notre carnet de recherche, d'initier des projets de recherche communs. On va probablement faire à la fin de l'année une journée sur l'argent dans les institutions disciplinaires. Donc voilà, de donner la possibilité aussi de construire ensemble des enquêtes, de croiser les terrains. Et voilà. Donc il y a cette ambition, mais il y a aussi trois ambitions historiographiques et méthodologiques. La première, c'est que la constitution d'un tel groupe répond à un besoin ressenti par nous tous de faire dialoguer des histoires institutionnelles, de mettre en relation des champs historiographiques qui se sont construits par institution. Et c'est cette mise en résonance qui explique que chacune des séances, je crois qu'Anatole a distribué le programme, mais qu'il y a une mise en résonance dans chacune des séances d'institutions différentes. Et le but, c'est à chaque fois de mener, de conduire cette opération de singularisation et de désingularisation des institutions dont nous sommes chacun spécialistes. Et la question qu'il y a derrière, c'est d'essayer d'interroger le continuum entre ces institutions, de tout le temps le reprendre, en interroger les limites et en interroger la pertinence. La deuxième ambition de ce séminaire, c'est celle de sortir des murs des institutions sur lesquelles nous travaillons quasiment tous et toutes. Alors il y a Lola qui va arriver, qui travaille sur les assistantes sociales, qui est plutôt à la charnière entre les institutions. Mais globalement, l'idée, c'était d'essayer de sortir de ces murs, mais aussi sortir de l'idée de l'enfermement et de ne pas cantonner l'histoire des institutions disciplinaires à une simple interrogation sur les enfermements. Alors il ne s'agit pas du tout de nier cette donnée fondamentale qu'est l'enfermement, mais de toujours chercher à mettre en évidence ce qui circule, ce qui est mobile, toujours chercher à mettre en regard ceux et celles qui la décrivent de l'extérieur et ceux et celles qui la vivent et la produisent. Et puis, c'est aussi l'enjeu, c'est aussi de ne pas sombrer dans la routine administrative de toutes ces institutions qui sont très graphomanes et dont les archives sont extrêmement riches. Donc, dans cette volonté de sortir des murs, il y a aussi la volonté de ne pas être happé par des archives extrêmement captivantes dans tous les sens du terme. Et puis, la troisième ambition du séminaire, c'est de garder le cap d'une histoire sociale des institutions disciplinaires. Et même si on aborde l'histoire de la morale, de l'État, de certains grands événements politiques, de la santé, de l'éducation, de la justice, l'enjeu du séminaire, c'est de mettre en évidence ce qu'apporte l'histoire des institués, des prisonniers, des malades, des élèves, des soldats, des fous, des vieux, des religieuses, ce qu'apporte donc l'histoire des institués à l'histoire sociale des populations. Alors, très rapidement, un bilan de l'an dernier. Pour cette première sortie des murs, pour vous dire un peu ce que ça nous a permis de faire. Alors, questionner la porosité des univers institutionnels nous a déjà permis de saisir ce qui se joue à l'interface des institutions et du coup de discuter précisément cette dimension enfermante de la prise en charge des enfants, des soldats, etc. Prendre la mesure des flux et des stocks de population entre les institutions, réfléchir aux procédures de tri à l'entrée, à la sortie, ou encore analyser l'organisation des transferts, tout ça, ce sont des choses sur lesquelles on a réfléchi l'an dernier, nous ont conduit à identifier des parcours types dans la prise en charge des individus et à mieux caractériser aussi le rôle des institutions à chaque étape de la chaîne disciplinaire. Ça nous a permis, en fait, de mettre en évidence les liens particuliers qui existaient entre certaines institutions, des liens d'attraction, parfois des liens de répulsion, des liens sur le temps long ou sur le temps court, sur les temps de crise ou sur la longue durée de la prise en charge des populations. On a aussi étudié les savoirs et les savoir-faire administratifs qu'ont développé les directeurs d'établissements, mais aussi les assistantes sociales, pour mettre en œuvre et pour contrôler la mobilité de ceux et celles qu'elles prennent en charge. Et l'étude de l'activité institutionnelle autour des déplacements de population nous a sensibilisés aux relations privilégiées qu'entretiennent certaines administrations et surtout à la variabilité des échelles décisionnelles auxquelles se jouent les destins individuels. Et ça nous a aussi incité à reposer la question de la nature des institutions et des objectifs qu'elles s'assignent les unes aux autres. Donc les mobilités sur lesquelles on a travaillé, qui sont les mobilités entre les institutions et à l'intérieur des institutions, nous ont permis de réfléchir à une échelle plus fine à la construction contemporaine d'un archipel disciplinaire plus ou moins cohérent selon les périodes. Et puis, dernier axe selon lequel on a travaillé sur l'étude des trajectoires d'individus qui traversent les institutions fermées, et ça nous a permis de penser, quelque chose je pense qui va nous suivre, de penser la mémoire et l'archivage des circulations dans les parcours individuels et dans les papiers de l'administration. Donc c'est cette histoire sociale des populations mobiles entre les institutions disciplinaires, c'est cette réflexion sur l'interface, sur ce qui se joue à l'interface, sur les acteurs engagés dans le quotidien des mobilités des institués, c'est tout ça qui nous a conduit à prendre conscience du rôle fondamental que jouent les familles ou que joue l'absence de famille dans l'expérience des institués. Donc j'aimerais dans un dernier temps de cette introduction essayer d'expliquer ce qui fait qu'on a centré cette année, puis c'est possible que ça continue, de centrer l'approche du séminaire sur les institutions disciplinaires, sur la famille, sur les familles. Alors déjà, on peut le dire d'emblée, ni les uns ni les autres ne sommes spécialistes de l'histoire de la famille, et d'ailleurs, on ne souhaitait pas partir d'une définition très... Très fermée de la famille. On aimerait partir d'une définition à la fois relationnelle, c'est pour ça qu'on a appelé ça les liens familiaux, et d'une définition extensive de la famille pour avoir le luxe à chaque séance d'essayer de réfléchir à ce qu'on entend par famille. Mais on pense aussi que bien que non spécialiste de l'histoire de la famille, c'est un thème absolument fondamental pour travailler d'une nouvelle façon les institutions disciplinaires. D'abord parce que, vous le savez, la famille est un acteur, est considérée comme un acteur politique important dans la gestion des populations, de plus en plus important, et qu'on est beaucoup à travailler sur des institutions publiques, et que du coup le rôle des familles dans la prise en charge des populations a un rôle grandissant, et donc interroge la place respective qu'ont dans les politiques publiques les familles et les institutions. Mais peut-être que la raison la plus évidente et la plus simple, c'est que les mondes institutionnels sur lesquels on travaille les uns et les autres empruntent, singent, copient, se calquent sur le modèle familial, et sur un modèle familial souvent patriarcal, mais qui revient, consciemment ou pas, à infantiliser les institués, qui revient à rappeler régulièrement l'autorité parentale du personnel encadrant. Bref, peut-être que la raison première, c'est que le vocabulaire de la famille et de la filiation revient constamment dans nos sources administratives pour décrire la nature des liens sociaux en institution. La seconde raison pour laquelle on souhaitait travailler sur la famille, c'est que l'entrée dans un certain nombre d'institutions disciplinaires constitue, de manière intentionnelle ou de manière collatérale, une rupture avec le milieu familial. La troisième raison qui rend la famille capitale comme point d'entrée dans le monde des institutions disciplinaires, c'est que les liens familiaux sont présents dans les archives des institutions, sont présents à la fois dans les registres, sous le titre de correspondant, mais sont aussi présents dans les dossiers personnels pour les institutions qui les ont conservés, et on sait désormais qu'elles sont nombreuses. La dernière raison qui nous a poussés vers ce thème, c'est qui découle directement de la première, c'est que les membres de la famille sont parfois des acteurs capitaux dans l'institutionnalisation, à la fois dans l'entrée et dans la sortie, et sont aussi des acteurs importants dans la vie quotidienne. Donc le jeu de cette année, ça va continuer à consister en un travail de comparaison permanent justement sur ce rôle des familles, mais c'est évident que les questions que là je vais finir par vous présenter rapidement sont des questions qu'on va constamment reformuler, mais mais qu'il faut qu'on ait, à mon avis, à chaque séance. La première question, c'est qu'est-ce qu'une famille pour l'institution ? Et une des questions qu'on va se poser, c'est quelles sont les formes de parenté qui sont privilégiées par les acteurs institutionnels et quelles personnes sont écartées de ces définitions de la famille ? Quels sont les types de liens qui sont prescrits, qui sont entretenus, qui sont encouragés par les institutions ? La question qu'on se pose, c'est dans quelles conditions les liens familiaux maintenus par les personnes instituées sont-ils perçus comme des obstacles ou comme des ressources dans la prise en charge institutionnelle. Donc, il y a une première série de questions qui tourne autour de la définition et du rôle que les institutions entendent donner aux familles et donc aux relations qui sont forgées en dehors du cadre institutionnel. La deuxième série de questions tourne autour de la nature des liens qui unissent les institués et leurs familles. Alors, sans présumer de la teneur des interactions qu'on va trouver dans les sources, hein, pour beaucoup c'est aussi une façon d'explorer d'une nouvelle façon des terrains qu'on connaît, donc on n'a pas encore travaillé, on n'a pas encore fait nos communications à part ceux qui parlent aujourd'hui, donc on va aussi découvrir pas mal de choses au fur et à mesure. Sans imaginer ce qu'on va trouver, une des questions qu'on se pose, c'est que deviennent les liens familiaux à l'épreuve de l'institutionnalisation d'attières, à quel prix ces liens familiaux sont-ils maintenus? Qui les entretient, c'est-à-dire qui entretient les liens familiaux? Est-ce que ce sont des hommes, est-ce que ce sont des femmes? Est-ce qu'il y a des classes d'âge, est-ce qu'il y a des classes sociales qui sont plus susceptibles d'entretenir des liens familiaux? Et du côté des familles, qui pourvoit aux soins, au care des individus, qui sont les garants du maintien du lien, avec quand même en tête tous les travaux de sociologie qui montrent par exemple dans le domaine de la psychiatrie ou de la prise en charge des personnes âgées, à quel point le rôle des femmes est central dans ce lien, le maintien de ce lien familial en institution. Autre question, on s'interrogera sur la distance entre les institués et leurs proches, la distance à la fois géographique, choisie ou subie, physique ou émotionnelle, et on s'interrogera sur les ressources dont disposent les institués pour la réduire, ou pour l'accroître. Et on se demandera si les proches peuvent utiliser l'institution comme un moyen aussi d'accroître cette distance, de réguler les conflits de famille, voire de rompre des liens. C'est pour ça qu'on y a d'ailleurs consacré une séance entière. Et puis dans le travail qu'on mène sur les punitions, mais aussi dans celui qu'on a mené sur les mobilités des populations instituées, on avait travaillé sur les règles du jeu dans lesquelles sont prises les populations instituées. Règles du jeu dans lesquelles les populations instituées ont aussi leur part, puisqu'elles contribuent à modeler les normes et les conditions de vie dans lesquelles ils et elles font l'épreuve de l'institution. Et donc là, l'idée, en prenant le thème des familles, c'est aussi de s'interroger sur l'influence des liens familiaux dans la constitution de ces règles du jeu. Quelle place les familles ont-elles ou prennent-elles dans la constitution des normes en institution, dans la constitution des normes d'accueil, dans la constitution des normes de prise en charge, et on essaiera d'évaluer le rôle des liens familiaux sur les trajectoires des institués. La présence ou l'absence de famille est-elle un atout? Pour qui elle est un atout? Pour qui elle ne l'est pas? Et dans quelles circonstances cet atout, ou au contraire ce désavantage, enfin j'ai pas le bon mot mais on s'en fiche, peut jouer. Et puis là, on bascule du côté de l'histoire de la famille, qui est, on l'a dit, pas au départ notre centre d'intérêt, mais qui va probablement le devenir. On s'interroge aussi sur les effets de l'enfermement sur les organisations familiales. Quelles sont les conséquences sur la structure familiale du placement d'un des membres de la famille? Alors même si c'est une thèse qui est en train d'être pas mal discutée, mais on sait que par exemple la surpsychiatrisation des femmes a longtemps été expliquée comme par le vide économique moindre qu'elles laissaient dans leur famille. Et donc, une des questions qu'on se pose, c'est aussi cette institutionnalisation des vies, quel vide économique, quel vide affectif ça laisse dans les familles, en tout cas, comment c'est formulé. Et on aimerait penser la question de la prise en charge des populations en institution aussi comme une expérience familiale. Donc, on vous a distribué le programme. Je le représente très très rapidement en disant que la première séance, on sera plutôt on réfléchira à la dimension prescriptive des institutions disciplinaires sur les liens familiaux, quel regard les institutions portent sur les liens familiaux. Dans les séances 2 et 3, on travaillera vraiment sur le lien, à la fois par l'étude des correspondances et par l'étude des visites. Dans la quatrième séance, on réfléchira à l'institutionnalisation comme un moment de rupture des liens familiaux, en gros quand la famille disparaît à l'épreuve de l'institutionnalisation. Dans la séance 5, on réfléchira à l'institution comme famille de substitution. Et la sixième séance, on réfléchira à la façon dont les institutions disciplinaires peuvent être aussi le lieu de reconstruction ou de construction de nouveaux liens familiaux. Alors,